C'est Noël. Prends un père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, c'est encore François Morel. Pour Noël, je vais vous raconter l'histoire du Père Noël et son portable. Joyeux Noël. Père Noël, mes cadeaux. Cadeaux bleus et des cadeaux rouges. Des cadeaux oranges et des cadeaux jaunes. Moi, j'adore Noël. Juste après la nuit de Noël, la neige, finalement, était tombée en Laponie. C'était beau, c'était blanc, tout était calme et silencieux. Les sons étaient si assourdis qu'on entendait à peine, près du puits, une maman renard en train de réprimander son renardeau, refusant effrontément d'enfiler sa casquette de trappeur. « Si, tu vas mettre ta casquette, hein, mais tu mets ta casquette bien sur les oreilles, alors, mais alors, fais attention, ah, mais tu écoutes ce que je dis, oui, non mais alors, non mais c'est énervant quand même, je te dis de mettre ta casquette, non, veux pas, tu mets ta casquette, tu n'auras pas de cadeau. » Dans le ciel, volaient des oiseaux emmitouflés dans des écharpes et des bonnets de laine, ça pinçait. La neige, en flocons, tombait en tourbillons, enveloppant les maisons, les balcons, les vallons. À l'intérieur du chalet des époux Noël, le feu crépitait dans la cheminée. Le Père Noël fumait la pipe en faisant ses sudokus. De temps en temps, par la fenêtre, il distinguait à peine ses rennes qui, au loin, bravant le froid, passaient tout leur temps à s'amuser dehors. Sur un étang gelé, danseurs, fringants, comètes et cupidons avaient décidé de s'adonner au patinage artistique, faisant des figures chorégraphiques les plus approximatives, tandis que tonnerre, tornade, éclair et furie formaient un orchestre interprétant le lac des cygnes, mais de façon si singulière que jamais personne au monde n'aurait pu reconnaître la musique de Tchaïkovski. Triple axel, et hop, reprise, et je te reprends comme ça. C'est joli, non, pas ça, ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est joli, ce qu'on fait? Et cabriole. La mère Noël, depuis peu, s'adonnait à la méditation. Quelquefois, elle réussissait à léviter de quelques centimètres au-dessus du sol. Le Père Noël saisissait alors son téléphone portable pour prendre une photo et tenter d'immortaliser cet instant suspendu, ce qui, immanquablement, brisait le charme, faisant retomber la mère Noël sur ses fesses. Ah, oh, ah, j'ai besoin de prendre des photos, c'est mignon. Oui. Car depuis peu, le Père Noël avait acquis un téléphone portable. C'est extrêmement pratique, s'enthousiasmait le Père Noël. Avec ça, je peux appeler qui je veux. Qui veux-tu appeler? Demanda la mère Noël. Qui je veux? Je te signale que je suis quand même très très connu et que j'ai par conséquent un grand réseau, répondit le Père Noël. Mais oui, oui, d'accord, oui, mais enfin, qui veux-tu appeler? Insista la mère Noël. Oh, ben, personne en particulier, tout le monde en général. En réalité, le Père Noël n'avait personne à joindre. Il n'avait pas d'enfants, pas de petits-enfants, ou plutôt, il en avait trop. Tous les enfants de la planète étaient un peu les siens. Ce que je pourrais faire, grâce à mon téléphone portable, c'est appeler chaque enfant avant la nuit de Noël afin de lui signaler mon passage. Excellente idée, fit la mère Noël en levant les yeux au ciel. Je me permets de te faire remarquer que sur la planète, il n'y a pas un seul enfant qui ignore que la nuit de Noël, tu te déplaces en personne pour distribuer des cadeaux. Par ailleurs, vu le nombre d'enfants à prévenir, mais tu ferais exploser ton forfait. Le Père Noël, furibard, enfila sa houppelande, ses bottes fourrées et sortit de la maison en faisant claquer la porte. Il détestait avoir tort. Pour se calmer, il marcha dans la neige en direction des rennes, mais quand il entendit le bruit épouvantable que faisait l'orchestre, il rebroussa chemin et partit dans la direction opposée. Machinalement, il sortit son téléphone de la poche et fit un selfie. Il prit un sourire idiot pour donner l'impression qu'il s'amusait bien sous la neige. il s'aperçut qu'il n'avait pas de connexion. Ah, ça c'est embêtant, c'est ennuyeux, fit le Père Noël. Mon téléphone n'arrive pas à capter le réseau. Si par hasard quelqu'un cherche à me joindre, je pourrais pas lui répondre, ce qui est bien embêtant, bien embêtant, bien embêtant. Il oubliait simplement un détail qui a tout de même son importance. Personne au monde ne possède le 06 du Père Noël. Je parle du vrai Père Noël, pas de ces pitoyables imitateurs qui parfois le singent à l'entrée des magasins pour faire marcher le commerce. Alors le Père Noël fit toutes sortes de contorsions pour tenter de retrouver du réseau. Monta sur une barrière, sur une échelle, sur une cabane, sur un tas de bois, mais en vain. Pour communiquer, il avait besoin de 3 barres sur son écran. Là, il n'y avait pas une seule. Il vit un chêne, un très beau chêne, ample et majestueux, qui dominait le paysage. Il décida d'y grimper. Le Père Noël, qui n'était plus tout jeune, arriva non sans mal sur la première branche et s'aperçut, satisfait, qu'enfin son écran affichait 1 barre. Puis le Père Noël, qui n'était pas un perdreau de l'année, se mit en tête d'atteindre 2e branche un peu plus haut. Et si je me mets là? Alors attends. Et en levant le bras, Quand il y parvint, il constata que 2 barres apparaissaient sur son écran de téléphone. Si j'arrive à monter jusqu'à cette 3e branche tout là-haut, j'aurai sûrement 3 barres et une connexion parfaite. Le Père Noël laborieusement finit par arriver tout en haut du chêne. Il s'assit sur la 3e branche et de sa poche sortit son téléphone. Bingo, il avait 3 barres. Le Père Noël était heureux, il pouvait communiquer avec la terre entière. Seulement la nuit tombait, la neige aussi, et le Père Noël sur son chêne ne savait plus comment redescendre. Et il était embêté. Personne parmi ses connaissances n'avait de téléphone portable. Les rennes s'approchèrent du chêne, aperçurent le Père Noël. « Qu'est-ce que vous faites là-haut, Père Noël ?» interrogea Fringant. Le Père Noël n'entendit pas la question et ne put donc répondre. Les rennes s'éloignèrent, regagnèrent l'étable et se mirent au chaud sur la paille. Le Père Noël, qui commençait à s'ennuyer un petit peu sur sa branche, composa un numéro au petit bonheur la chance. Quelqu'un au loin décrocha. « Allô ? Bonjour, je suis le Père Noël, » fit le Père Noël. « Et moi, je suis le pape, » répondit le pape que le Père Noël avait justement appelé par le plus grand des hasards. Le pape et le Père Noël échangèrent quelques banalités, puis se souhaitèrent la bonne année. À l'intérieur du chalet, la mère Noël commençait à s'inquiéter. Elle sortit à la recherche du Père Noël et finit par le distinguer en haut du chêne. La mère Noël alla chercher un grand drap et demanda aux rennes de bien vouloir le tendre en dessous du chêne afin que son vieux mari puisse sauter dedans. « Oh, j'ai la trouille. Oui, hop, me jette. » Ce qu'il fit. « 1, 2, 3. Oh !» ça fait haut. Rentré à la maison, le Père Noël n'en menait pas large. La mère Noël lui prépara une tisane bien chaude. Les rennes empruntèrent le téléphone portable, le temps de faire quelques selfies, puis l'oublièrent dans un coin de l'étable. Le Père Noël ne chercha plus jamais à le récupérer. Plus souvent qu'à son tour, la mère Noël, depuis ce jour-là, se met souvent en position du lotus et s'élève jusqu'au plafond devant le Père Noël qui, ébahi, silencieux, profite pour lui seul de cet instant de grâce. Voilà, et ben l'histoire est finie, maintenant au lit. Et des cadeaux. Ah oui, des cadeaux, bien sûr. Joyeux Noël. Oui, on va me coucher. Non, une autre, parce que c'est Noël.